Chapitre 3. Troménie est une corruption de Troménie et signifie proprement tour de l'asile. Ces asiles, ces Minihi, dans l'ancienne église de Bretagne, étaient des cercles sacrés d'une, de deux, quelquefois de trois lieues et plus, entourant les monastères et jouissant des plus précieuses immunités. Celui qui dépendait du prieuré de Locronan couvrait une vaste étendue, empiétait sur le territoire de quatre paroisses, Locronan, Kéménévin, Plogonec et Plounévé-Porzay. Le pèlerinage de la Troménie consiste à en faire le tour en suivant une ligne traditionnelle qui n'a pas varié depuis des siècles. On ne s'écarte guère des flancs du Ménez, dont la masse énorme absorbe, confisque la vue, apparaît comme le centre de la fête. Aussi les fidèles, peu soucieux d'une étymologie dont le sens pour eux s'est perdu, expliquent-ils Troménie par Troar Ménez, qu'ils traduisent librement le pardon de la montagne. Quant au trajet à parcourir, c'est celui-là même, on l'a deviné, où se conclut Ronan le marcheur du temps qu'il était de ce monde. Voie étrange, hors de toute voie, espèce de sentier mystique, à peine frayé, et que jalonne seulement de loin en loin des calvaires. Il n'est pas aisé de s'y reconnaître, mais au besoin le saint en personne s'offre à remplir les fonctions de guide. Une pauvresse m'a fait ce récit. Elle avait promis d'accomplir le pèlerinage de nuit, et elle s'était mise en route au crépuscule, comptant sur la lune pour éclairer ses pas. La lune ne se leva point, d'épais nuages venus de la mer avaient envahi le firmament. La vieille cheminait néanmoins, trébuchant dans les pierres, se cognant parfois le front au talus. Quand elle fut au milieu des landes, elle s'arrêta, elle ne savait plus de quel côté s'orienter dans les ténèbres. Une grande peur la prit. Elle allait renoncer à son vœu, mais tout aussitôt une voix de pitié se fit entendre qui la réconforta. « Pose tes pieds ou je poserai les miens, » disait la voix. Elle chercha à voir qui lui parlait de la sorte. Vainement, elle ne distingua rien, si ce n'est deux pieds nus, d'une blancheur éblouissante, qui marchaient devant elle et qui laissaient à mesure dans le sol de lumineuses empreintes. Elle put ainsi parvenir sans encombre au terme de ses dévotions. « Être secourable, s'écria-t-elle en joignant les mains, apprends-moi ton nom, que je le bénisse jusqu'à l'heure de ma mort. « Tu n'as cessé tantôt de l'invoquer dans tes litanies, » répondit la voix. Alors elle comprit, s'agenouilla pour baiser les pieds du saint, mais il avait disparu. Dès le XIIe siècle, la Troménie septennale prenait rang parmi les grandes assemblées religieuses de la Bretagne. On s'y rendait par clans des points les plus éloignés. De l'extrême Trégor, du fond des Landes vannetaises, Saint-Yves y figura accompagné de son inséparable Jehan de Kergoz. Plus tard, les ducs se firent un devoir de s'y montrer. La tradition s'était déjà répandue qu'il faut avoir passé par Locronan pour gagner le ciel. Une année, la fête revêtit un éclat particulier. De beaux seigneurs, aux costumes somptueux, montés sur des chevaux richement caparaçonnés, débouchèrent de vers Plogonec, suivis d'une multitude de gendarmes et précédés d'un escadron de trompettes, sonnant à plein poumon. Ils escortaient un carrosse d'où l'on vit descendre une mignonnette jeune femme, en coiffe du temps, juste comme la procession traversait la place. Elle était jante et accorte, avec des yeux clairs, très doux et un joli front têtu de bretonne. Quand les porteurs des reliques eurent défilé, elle se vint joindre pieusement à un groupe de fermières qui, habillées d'étoffes rouges aux chamarrures d'argent et d'or, formaient une garde d'honneur à la statue de Sainte-Anne. Elle marchait difficilement dans ses petits brodequins, peu habituée à fouler les cailloux des chemins creux ou les aspérités broussailleuses des Landes, et l'on devinait de suite en elle quelques pénéresses de la ville, mais brave et résolue, ne plaignant point sa route. Penchée sur le livre d'heures d'une de ses voisines, elle entonna le cantique à l'unisson des autres voix, et tout le long de la Troménie elle chanta. On eût dit qu'un rossignol mélodieux s'égosillait entre ses lèvres, tant elle savait donner d'onction et de grâce aux rudes syllabes des versets armoricains. Les gars préposés aux bannières se détournaient sans cesse pour la regarder. Ils apprirent au retour qu'elle avait nom la duchesse Anne, et qu'elle était mariée au roi de France. « Bonne et chère duchesse, j'ai souvent consulté à ton sujet les populations de l'Armor Trégorrois. Tu n'es déjà plus pour elle qu'un symbole, mais en ce canton de Cornouailles, ta mémoire vit, et presque ta personne. Dans une hutte, sous des hêtres, dernier vestige de la forêt de Névé, des sabotiers m'ont parlé de toi, comme s'ils t'avaient connu. Ils dépeignaient ton visage, velouté ainsi qu'un beau fruit. Ils célébraient ta chevelure, ton sourire, ton charme, se souvenaient du timbre de ta voix. Pour un peu, ils eussent juré qu'ils étaient présents à cette troménie où tu assistas. Qui oserait, après cela, contester la magique influence de Ronan ? On en cite des témoignages bien autrement significatifs. Telle cette troménie fantastique que le saint, à ce que l'on prétend, dirigea lui-même. Il pleuvait depuis la veille une pluie acharnée, et la montagne était labourée en tous sens par de véritables torrents. Le clergé décida que la procession n'aurait pas lieu, qu'elle serait différée au dimanche d'après. Cela mécontenta, paraît-il, le susceptible Ronan qui, de son vivant, ne s'était jamais préoccupé du temps qu'il faisait pour vaquer à son pèlerinage quotidien. Voilà que soudain les cloches s'ébranlent. Un chœur invisible entonne l'hymne de marche, et par la baie du portail, que le sacristain affirmait pourtant avoir fermé, jaillit un premier flot de troménieurs, puis un autre, puis d'autres encore, interminablement. On ne sait qui ils sont, ni d'où ils viennent. Ils ont des figures jaunes et moisies. Une fade et bizarre odeur s'exhale de leurs vêtements d'une forme inconnue. Ils chantent sans remuer les lèvres, et leur voix est faible, lointaine, semble sortir des entrailles de la terre. À leur tête s'avance le thaumaturge. Par-dessus sa robe de bure, il a passé les ornements épiscopaux. Un cercle de lumière entoure son front, et sa barbe de neige resplendit comme une gloire. Il va, et le sol se sèche à mesure devant ses pas, et la pluie, respectueuse, s'écarte. Les grandes, les lourdes bannières s'éploient, portés à bras tendus par des vieillards mystérieux aux carrures athlétiques. Et leurs soies, leurs broderies, leurs images luisent claires comme par une journée de soleil. Là-haut, dans le ciel, une trouée d'azur s'est faite qui se déplace avec la procession, reste toujours suspendue au-dessus d'elle comme un dais, tandis qu'alentour, il ne cesse de pleuvoir à verse. On inspecta le lendemain les bannières rentrées d'elles-mêmes dans leur gaine, elles n'avaient pas reçu une goutte d'eau. Saint Ronan avait évidemment voulu donner une leçon à son clergé et à ses paroissiens. L'avertissement fut compris. Depuis lors, au jour et à l'heure fixée, le cortège de la troménie se met en marche, quelque temps qu'il fasse. Chapitre 4. En général, il fait beau. La fête s'ouvre en effet le deuxième dimanche de juillet, dans la période la plus aimable de l'été breton. J'ai assisté à la plus récente, à celle de 1893. Au petit matin, je prenais avec les pèlerins de la région de Quimper le train de Douarnenez. Il vous dépose à la station dite de Guingate, une maisonnette mélancolique, ceinte de landes et de marais, à plusieurs kilomètres de tout centre habité. Comme personnel, un employé unique. Une femme dont la principale besogne consiste à regarder passer de temps à autre quelques wagons et à écouter tinter le soir des angélus lointains. Un étroit ruban pierreux conduit à une route vicinale, à une de ces délicieuses et minuscules routes bretonnes qui s'en vont, comme la race elle-même, d'une allure de flânerie, s'attardent en mille détours et se laissent mener par leurs rêves pour n'aboutir nulle part. On voyage dans une ombre lumineuse entre des talus tapissés d'un fouillis de plantes, de fleurettes pâles, d'herbes longues et fines pendantes comme des chevelures. On ne voit, on n'entend rien que le reflet mouvant des feuillages sur la chaussée criblée de gouttes de soleil et un léger bruit d'eau dans les cressonnières aux deux bords du chemin. Brusquement, dans une éclaircie, surgit la montagne sacrée. La croupe encore fumante des buées de l'aube. Des silhouettes de pèlerins se dessinent, imprécises, sur la crête et le long des pentes. Les troménies individuelles, plus fécondes en grâce, dit-on, sans doute en tant que plus conformes à l'esprit de la tradition primitive, ont commencé à circuler à partir de minuit. Aussi y a-t-il déjà des gens qui reviennent, les traits un peu las, les vêtements détrempés par la rosée. Un premier calvaire se dresse au pied du mont. Sur les marches, des femmes sont assises et des jeunes d'un morceau de pain bis graissé de lard. L'une d'elles, m'interpellant au passage, me crie « Inutile de vous presser, vous arrivez trop tard, le saint n'est plus chez lui. » Leur dévotion scrupuleusement accomplie, nos paysannes plaisantent volontiers. Je riposte, eh bien alors j'irai chez Kében. Pour celle-là, vous la rencontrerez, m'est-il répondu, et même au lieu d'une, vous en trouverez 500. Il faut savoir que le mauvais renom de la mégère de Kernevet s'est étendu bien injustement du reste à toutes les ménagères du quartier. Il a fait tache d'huile à travers les siècles. Entre Locronan et Kémeneven, il n'y a femme qui ne soit une Kébène. Dit un adage inventé, je suppose, par quelque commère d'un bourg voisin, à l'époque où la prospérité de ce petit pays industrieux faisait autour d'elle tant de jaloux. Le vieil individualisme celtique est demeuré vivace en Bretagne, et les rivalités, les rancunes s'y perpétuent d'un village à l'autre avec une sorte de jovialité féroce. Je suis déjà haut dans la montée que j'entends encore derrière moi rire à gorge déployée mes cornouaillaises retour de pardon. Mais, à mesure que je m'élève, il semble que je pénètre dans une atmosphère d'infini silence. On respire dans l'air ce je ne sais quoi de religieux qui enveloppe partout les sommets et qui les fit vénérer de nos ancêtres ariens comme des tabernacles de la divinité. La brise qui souffle par lentes bouffées est chargée de parfums d'une essence rare, de la fine senteur des herbes aromatiques, et les groupes de nuages dans le ciel ressemblent à de grandes figures agenouillées. Les sons d'une clochette ont retenti, une voix psalmodie en breton, « Passant, donnez une obole, pour l'amour de Saint-Égonec, donnez !» Au fond d'une hutte façonnée comme jadis celle de Ronan, de branchages entrelacés et recouvertes d'un drap en guise de toiture, un homme est accroupi sur une escabelle, un glazik en veste neuve bordée d'un large galon jaune. Devant lui est une table parée à l'instar d'un autel, et sur la table, une statuette de saint, noire, enfumée, une de ces images barbares particulièrement chères aux armoricains à cause de leur antiquité même. Un plat de cuivre à demi plein de gros sous est disposé auprès de l'icône pour recevoir les offrandes. C'est là une espèce de péage mystique établi de place en place sur tout le pourtour de la Troménie. On en compte jusqu'à 60 et 70 de ces logettes éparses au flanc du mont. Les quatre paroisses qui avaient une portion de leur territoire comprise dans l'ancien Minihi s'y font représenter non seulement par le patron de leur église, mais encore par la multitude des petits saints indigètes en honneur dans les chapelles locales. Et près de chacun d'eux se tient un délégué de la fabrique qui, dans un boniment naïf, énumère ses vertus, rappelle ses miracles, vante les merveilleuses propriétés de l'eau de sa fontaine, quelquefois tend à baiser aux pèlerins des fragments de ses reliques. Le proverbe « chacun prêche pour son saint » n'a jamais été d'une application plus directe et plus littérale. Ainsi, le culte de Ronan devient une source de profit pour tous les sanctuaires de la région. Il est juste d'ajouter que cet usage, d'une origine fort reculée, ne s'explique pas uniquement par des raisons de lucre. C'est une croyance répandue dans toute la péninsule que les saints d'un même canton se doivent faire visite le jour de leur pardon respectif. Si on ne prend soin de les y mener, ils s'y transportent, dit-on, spontanément. Des pêcheurs de la côte trégoroise m'ont affirmé avoir vu Notre-Dame de Port-Blanc se rendre par mer la nuit à la fête votive de Notre-Dame de la Clarté. Ne nous étonnons donc pas si les Hurlous, les Corentins, les Tugènes, les Tégonecs et tant d'autres thaumaturges, en perpétuelle relation de voisinage avec Ronan, délaissent momentanément leurs arrotoirs à l'occasion de la Troménie pour le venir saluer sur les limites de son domaine. Que s'ils bénéficient par surcroît de quelques aumônes, ce serait cruauté de leur en vouloir. Ils sont si pauvres, les bons vieux saints, et leur rustique maison si misérable. Le sentier traditionnel traverse en cet endroit la grand-route. À l'un des angles du carrefour s'érige une croix fruste, taillée tout d'une pièce, peut-être dans un menhir, plus probablement dans un de ces blocs de granit connus sous le nom de l'Air, qui servirent aux premières époques du christianisme à marquer en Bretagne les sépultures. C'est ici la tombe de Kében. L'herbe y est maigre et brûlée, jamais fleur n'y a fleuri, les bruyères même s'en écartent et les humains les imitent. Ils la contournent à distance d'un pas rapide en se signant. Qui sait si, en dépit du lourd monolithe qui l'opprime, l'esprit de rébellion enfermé là ne va pas tout à coup faire éruption comme un volcan. J'y ai cependant vu s'agenouiller une vieille femme, et cela non par inadvertance, car à sa fille qui la morigénait, elle répondit « Vous êtes jeune encore. » Quand vous aurez été plus longtemps à l'école de la vie, vous aurez appris la pitié. Incessamment, des tromeigneurs passent, gravement, tête nue, leur chapeau dans une main, dans l'autre un chapelet. Ils cheminent en silence, sans échanger une parole. La troménie est un pardon muet. À leurs yeux vagues, obstinément fixés devant eux, on devine que toute leur âme est concentrée dans une oraison intérieure dont rien ne la saurait distraire, pas même le splendide horizon qui, vu de ses hauteurs, semble se déployer au loin comme les branches mouvantes et merveilleusement nuancées d'un éventail prestigieux. Ils marchent, isolés ou par troupes. C'est tantôt une famille, avec tous ses membres, tantôt un village entier, un clan de laboureurs émigrés en masse, hommes et femmes, enfants et chiens. Les profils se détachent avec une extraordinaire netteté sur le bleu délicat du ciel, puis s'évanouissent dans les sinuosités de la montagne. Une des principales étapes est celle qui va de la tombe de Kében à la jument de pierre. Le sentier s'engage entre des ajoncs, franchit des carrières abandonnées, côtoie des champs de blé noir, se perd enfin dans une lande, vaste étendue de gazon roussi, luisante au soleil comme un miroir immense que les nuages balaient de leurs grandes ombres. Au milieu de la lande est vautré le monstre de granit. Il a bien les formes étranges et colossales de quelque animal des temps fabuleux. Le culte dont il est l'objet remonte certainement à une époque de beaucoup antérieure à notre ère. On sait de quel naturalisme profond était empreinte la mythologie celtique. Tout dans la nature lui apparaissait comme divin, les arbres, les sources, les rochers. Ces antiques conceptions sont demeurées vivaces au cœur du peuple breton. Le christianisme s'est superposé à elles ou les a tirées à lui. Ne les pouvant détruire, il les a confisquées. Mais il n'est pas nécessaire de creuser très avant dans l'âme de la race pour retrouver intact le fond primitif. En ce qui est de la pierre de Ronan, on lui a longtemps attribué une vertu fécondante. Il y a peu d'années encore, les jeunes épousés s'y venaient frotter le ventre dans les premiers mois du mariage, et les femmes stériles, pendant 3 nuits consécutives, se couchaient sur elle dans l'espoir de connaître enfin les joies de la maternité. On abandonne aujourd'hui ces pratiques, mais je me suis laissé dire qu'elles ne sont peut-être pas aussi mortes qu'elles en ont l'air. Les pèlerins de la Troménie se contentent en général de faire le tour de la pierre sacrée. Les plus dévots néanmoins, et aussi les gens fiévreux ou sujets à des maladies nerveuses, ne manquent pas de s'asseoir dans une infractuosité du roc, sorte de chair naturelle sculptée par les pluies, que Ronan affectionnait en ses heures de sieste et de méditation. Il jouissait de cette place d'un des plus admirables panoramas qui se puissent contempler. Les vieux thaumaturges de la légende armoricaine n'étaient point des ascètes moroses, des contempteurs de l'univers. Ils font plutôt songer aux Ritchis de l'Inde. Les austérités de la vie érémitique ne fanaient en eux ni la délicatesse du sentiment, ni la fraîcheur de l'imagination. S'ils recherchaient la solitude, c'était sans doute pour se vouer plus exclusivement à Dieu, mais aussi pour entraver, en un contact plus direct, plus intime, avec la frémissante beauté des choses. Ils étaient des poètes en même temps que des saints. La magie de la nature les enchantait. La tradition nous les montre cheminant des jours, des mois, avant de s'arrêter au choix définitif d'une demeure. Une boule, dit-on, roulait devant leurs pas. Entendez par là qu'un instinct supérieur les guidait. Ils attendaient pour bâtir leurs cellules d'avoir rencontré un paysage digne d'alimenter leurs rêves. Aux uns, il fallait les hauts lieux, l'immensité des horizons. D'autres préféraient le mystère des vallées toutes chuchotantes, du bruissement des eaux et du frisson des feuillages. Presque toujours, ils s'arrangeaient de façon à avoir, petite ou grande, une ouverture sur la mer. La plupart de leurs oratoires sont en effet situés dans la zone maritime, dans l'Armor. Ils aimaient la mer pour elle-même, parce qu'elle est la mer, la seule chose au monde peut-être dont le spectacle ne lasse jamais, et aussi parce qu'elle est comme la face visible de cet infini qui obsédait leur âme, et enfin parce que ces flots baignaient là-bas leur patrie ancienne, les grandes îles brumeuses d'Hibernie et de Bresmeur, d'où la tourmente saxonne les avait chassés. Au soir nostalgique, leur pensée dut s'en retourner plus d'une fois dans la houleuse chevauchée des vagues, vers les monastères tant regrettés d'Iona, de Clonard, de Laniltude, de Bangor. Devant les yeux de Ronan, La baie de Douarnenez, ou pour parler comme les Bretons, la baie, à leur avis elle est l'unique, développait sa courbe harmonieuse, faisait étinceler le sable fin de ses grèves, et sur la perspective des eaux, découpait en une suite de figures austères et hardies la majesté de ses promontoires. On comprend sans peine la prédilection du Saint pour ce versant du Ménez. Il n'y a guère de sites en Bretagne d'où la vue s'étende plus à l'aise et sur un décor à la fois plus éternel et plus changeant. Je gagne le bourg en compagnie d'une aïeule toute branlante, toute disloquée, qui s'appuie d'une main sur son bâton de pèlerine et de l'autre sur l'épaule d'un garçonnet de 12 à 15 ans, son arrière-petit-fils. L'enfant flotte en des vêtements trop larges, des frocs presque neufs de quelques frères aînés, péris en mer. Il a une petite mine drôle, très éveillée, avec un je ne sais quoi de vieillot déjà dans l'expression, des regards d'une gravité singulière, plein de choses d'ailleurs, un air de tristesse prématurée. « Il va s'embarquer pour le long cours, » m'explique la bonne femme. « Alors, je suis venue le présenter à Saint-Ronan. C'est la 9e Troménie que j'accomplis. Oui, ce sentier m'a vu passer 9 fois avec mon homme, Méga, et les fils de Méga. Je les ai pleurés tous, et n'en ai enseveli aucun. Ils sont dans le cimetière sans croix. Celui-ci est le dernier qui me reste. J'ai idée que la mère le prendra comme elle a pris les autres. Cela est dur, mais il faut que chacun suive son destin. » Le mousse, lui, ne dit rien, sourit vaguement du côté des boutiques installées sur la place, et la mer au pied des collines s'étale, glauque, pailletée d'or, attirante et chantante, sirène délicieuse, doux miroir à prendre les hommes. Du dehors, l'église de Locronan, dont le vaisseau principal appartient au 15e siècle, a la noblesse, l'ampleur de proportion d'une cathédrale, l'intérieur en est d'un caractère saisissant. On y accède par un vaste porche en arc surbaissé. Une impression de vétusté, de délabrement, de grandeur aussi, de grandeur solitaire et quasi farouche, vous envahit l'âme dès le seuil. Des masses d'ombre se balancent suspendues aux voûtes ou rampent le long des parois. On se croirait dans un sous-bois ténébreux, traversé çà et là de clartés verdâtres. On respire l'horreur des forêts sacrées, les piliers, couverts de mousse, de végétation parasite, rappellent effectivement les arbres pétrifiés de la légende. Ou bien encore, on songe à l'église d'une de ces villes englouties, Tolente, Kéris, Ossismore, tant les murs dégagent d'humidité, tant la lumière qui les baigne est étrange, crépusculaire, spectrale. La chapelle du Péniti, à côté à la nef, brille d'un rayonnement plus vif. Là est la tombe de l'Anachorète. Là se détache en relief sur une table de Kersanton l'hiératique et rude image de Ronan. Les traits sont d'une belle sérénité fruste. Dans la fixité des prunelles semblent nager encore les grands rêves interrompus. Une des mains tient le bâton pastoral, l'autre le livre d'heures. À l'autel, un prêtre officie. Note. C'était, si je ne me trompe, l'abbé Thomas, aumônier du lycée de Quimper, est l'un des principaux zélateurs du culte des vieux saints nationaux dans le Finistère. On lira avec fruit l'importante brochure qu'il a consacrée à la Troménie. Fin de note. Il bénit l'assistance et le défilé commence autour du tombeau. Les dévots circulent en rang pressé, plus de femmes que d'hommes et presque toutes de la région de Douarnenez. Elles sont fraîches, roses et comme nacrées, avec des yeux gris, du gris azuré de la fleur de lin. La coiffe qui en serre étroitement le visage lui donne un air inoubliable de candeur et de mysticité. Elle touche du front à tour de rôle le reliquaire en forme de navette que leur présente un diacre. Puis, se retournant vers le thaumaturge de pierre, elle lui imprime sur la face leurs lèvres saines dont les souffles de la montagne ont singulièrement avivé l'éclat. Et c'est ici la vraie revanche de Ronan. La femme, dans la conception des Celtes, apparaît comme une magicienne exquise et perverse tout ensemble, douée d'un pouvoir irrésistible, surnaturel, et qui prend tout l'homme sans rien livrer d'elle-même. Nos poètes populaires la célèbrent sans cesse dans les sonniaux, mais avec quelle tristesse résignée, et qu'il y a parfois d'angoisse mêlée à leurs effusions d'amour. Les saints la craignaient, voyaient en elle un obstacle insurmontable à la sainteté. Et Flamme, contraint par son père de se choisir une épouse, ressentit devant la beauté d'Enora un tel trouble qu'il s'évanouit sur le parquet de la chambre nuptiale. Sans l'intervention d'un ange, il n'eut jamais eu le courage de s'enfuir. Enora l'ayant rejoint à travers le péril des eaux, il refusa d'entendre le son de sa voix et lui fit bâtir un ermitage de l'autre côté de la colline. Anvel ne se montra pas moins impitoyable envers sa sœur Juna. Pas une fois, il ne lui rendit visite dans sa cellule qu'une vallée seulement séparait de la sienne. Il n'apprit sa mort que lorsque la cloche qu'elle avait coutume de sonner à l'heure de la prière ne tinta plus. Proscrite, anathématisée par les saints, les femmes usaient de représailles à leur égard. En plus d'une occasion, elles leur jouèrent de fort vilains tours. Note. Confère les saints bretons d'après la tradition populaire, Annales de Bretagne, 1893-1894. Fin de note. On a vu de quelle haine sans rémission qu'Ébène poursuivit Ronan. Je n'ai pas tout rapporté. Un hagiographe raconte qu'elle l'accusa publiquement d'avoir voulu lui faire violence. Mort, elle le traita de la façon que l'on sait. La trace de l'immonde crachat reparaît, toute fraîche, dit-on, à chaque troménie, sur la joue gauche du cadavre de granit. Et c'est elle, si cette souillure ineffaçable, que les filles de Cornouailles viennent de 7 ans en 7 ans essuyer pieusement avec leurs baisers. Cependant, les cloches s'ébranlent. Les vibrations d'un glas tombent dans l'église à coups lugubres et espacés. Un chœur de prêtres entonne l'office des morts. La troménie n'est pas seulement un pèlerinage de vivants. Les défunts qui n'ont pu l'accomplir en ce monde se lèvent du pays des âmes pour y prendre part. Croyez que parmi les êtres visibles et palpables, agenouillés là sur les dalles, rôde tout un peuple d'ombres évadées des cimetières. Une haleine froide qui vous fait frissonner, une odeur souterraine dont l'atmosphère s'imprègne tout à coup, autant de signes révélateurs de l'approche des défunts, de la mystérieuse venue des Hanaon. J'entends dire sous le porche à une fermière de Plogonec qu'à la dernière troménie, comme elle était en oraison, elle se sentit chatouiller la nuque par des doigts glacés. S'étant retournée, elle faillit se pâmer de stupeur en se trouvant face à face avec son mari qu'elle avait enterré l'année d'avant et pour qui justement elle récitait le De Profundis. J'allais lui parler, mais il lut sans doute mon intention dans mes yeux, car aussitôt il s'éclipsa. C'est du haut des degrés qui conduisent au portail qu'il faut jouir du spectacle de la grand-messe. Par les vantaux ouverts, le regard plonge à travers la nef jusqu'au fond de l'abside qui, derrière cette forêt de piliers aux fûts énormes, luit, inondé de soleil, comme une clairière éblouissante. Les hommes sont groupés au premier rang, un flot de têtes rudes et carrées aux longues chevelures celtiques. Ensuite viennent les femmes, prosternées dans toutes les attitudes. On voit palpiter les ailes de leurs coiffes où le jour multicolore des vitraux met de chatoyantes irisations. On dirait un vol d'oiseaux de mer engouffré dans l'église. Et des chants se traînent en notes éplorées, des chants pareils à des mélopées barbares, très graves et très doux. De midi à 2 heures, il se produit une sorte de détente. C'est un rude pardon que la troménie, et où l'on ne doit ménager ni sa sueur ni sa peine. On n'y gagne pas que des indulgences, mais encore un robuste appétit. L'air vif des hauteurs, aiguisé de salure marine, et quelques 5 lieues par les ravines et les landes, vous dilaterait l'estomac d'un citadin, à plus forte raison d'un rustique. D'ailleurs, il n'est point de concours religieux en Bretagne qui n'aille sans un semblant de liesse profane. Donc, tandis que l'église se vide, les auberges s'emplissent. Trouve place qui peut. D'aucuns vont s'installer hors bourg à l'ombre d'un pan de mur, et mille les ruines enguirlandées de lierre qui jonchent au loin la campagne. L'unique hôtel du lieu, dont la vieille façade pleure inconsolablement la mort des diligences, a tendu son hangar de drap blanc comme pour une noce de village. J'y déjeune avec les troménieurs d'importance, patrons de pêche ou riches laboureurs, gens de Plonéis, de Tréboul, de Kerlaz et de Ploaré. Des bouffées de brise gonflent les toiles, font claquer autour de nous toutes ces blancheurs sonores. La foule sur la place va, vient, grossit de quart d'heure en quart d'heure, exaltée, grisée de son propre bruit. Une allégresse sacrée commence à vibrer dans l'air. Notez ceci. Dans ce vaste bourdonnement humain, pas une clameur de mendiant, pas une de ces lamentations geignardes qui vous obsèdent les oreilles à tous les autres pardons de Bretagne. Les exhibiteurs de plaies, réels ou simulés, ne se montrent point à Locronan ni sur le parcours du pèlerinage. Il est vrai que la Troménie est faite pour décourager les infirmes, cul-de-jatte, tortillards et béquillards de toute espèce. Elle est avant tout la solennité des ingombes. Chapitre 5. Jadis, c'est à coups de poing et de peine basse qu'on se disputait l'honneur de porter les grandes bannières de la procession de Saint Ronan. Heureuse la paroisse dont les champions triomphaient. Elle était assurée pour 7 ans d'une prospérité sans égale. Pendant 7 ans, il ne naissait chez elle que des garçons, des gagneurs de pain, solides et bienvenus. Les poutres des greniers rompaient sous le poids des récoltes. Les barques rentraient le soir avec des pêches miraculeuses. Et les âmes, comme en un paradis terrestre, fleurissaient, exemptes de soucis. Aussi la lutte pour les bannières dégénéra-t-elle plus d'une fois en combat sanglant. Il y eut des poitrines enfoncées, des crânes fendus. Le clergé jugea nécessaire de faire intervenir la force publique. Mais la présence de la maréchaussée, loin d'en imposer à la population, l'exaspéra. Chacun y vit une atteinte aux libertés locales, bien plus une sorte de profanation de la fête. Que ne laissait-on les gens s'arranger entre soi? Et quel besoin d'associer ces intrus, ces galops, à la glorification de Ronan? Les Bretons entourent leur sein d'un culte jaloux. Un vent de révolte traversa les cerveaux surexcités. On cria haraux sur les enfants de Marie Robin, note, Bugalet Marie Robin, sobriquet sous lequel on désigne encore les gendarmes en ce pays. Fin de note. Lors de la Troménie qui fut célébrée le 14 juillet 1737, éclata une véritable émeute dont un procès-verbal publié dans l'inventaire des archives départementales nous a conservé le souvenir. Les gendarmes furent pourchassés à coups de pierre et ne durent leur salut qu'à la vitesse de leurs chevaux. « Dao, dao !» hurlaient les pèlerins, ce que le sire Dugas traduit en son style de brigadier « Donnons dessus, saccageons-les !» Les choses se passent aujourd'hui d'une façon plus civile. L'honneur de porter les bannières est toujours un objet de brigue, seulement il se paie, s'octroie à l'enchère au plus offrant. C'est moins démocratique sans doute, mais il y a aussi moins de têtes fracassées et de vestes en lambeaux. La dévotion n'y perd guère, et le trésor du saint y gagne quelques écus qui, joints à la subvention de l'État, permettront peut-être de sauvegarder l'Église, sinon de rendre à la tour décapitée la flèche qu'elle n'a plus. Le timbre de l'antique horloge paroissiale a retenti. Les cloches qui n'attendaient que la sonnerie de l'heure se mettent en branle toutes à la fois, et des églises lointaines, des petites chapelles enfouies sous le couvert des bois, d'alertes carillons leur répondent. Dans la baie du porche, les voici paraître, les lourdes, les vénérables bannières, avec leurs hampes énormes, où se crispent les poings des porteurs. Elles s'inclinent pour franchir la voûte, balaient le sol de leurs franges, puis, matées à grand-peine, se tendent soudain comme des voiles prêtes à prendre le vent. Un frémissement parcourt leur vieille soie, des feux jaillissent de leurs paillettes, et l'on croit voir les saintes images cligner les paupières aux rayons du soleil béni que depuis 7 ans elles n'ont point affronté. La procession peu à peu s'organise, en tête s'avancent les croix de vermeil et d'argent massif, garnies de clochettes qui teintent sans fin, avec de jolies voix claires, comme autrefois la clochette en fer de Ronan. Elle est là aussi, la clochette enchantée, mais muette, immobile, clouée sur un coussin de velours, précédant de quelques pas la statue du thaumaturge. Que n'a-t-on épargné à celui-ci les ornements épiscopaux dont il se montra de son vivant si dédaigneux? Il eût été plus beau, ce me semble, et plus nature, dans son manteau de laine sombre, couleur de peau de bête, la moitié antérieure du crâne rasé, conformément au canon de la tonsure celtique, et dans les mains, au lieu d'une crosse, son bâton de troménieur éternel. Une longue file de saints lui fait cortège. Les reliquaires suivent, minuscules arches d'or balancées dans un roulis d'épaules. En dernier lieu viennent les prêtres, et sur leurs talons, houleuses, bigarrées, la foule se précipite. Des tambours et des fifres donnent le signal du départ, et sous le soleil qui darde à pic, entre les façades grises des maisons, comme transfigurées par la joie, la théorie se déroule en un pêle-mêle splendide et silencieux. Le ciel, la montagne, la mer brillent d'une même clarté blonde, coupée seulement à de rares intervalles par les grandes nappes d'ombre brune qui tombent des nuées en marche. Toutes choses dans cette atmosphère fluide sont en quelque sorte fondues, rien ne borne le regard. Les lointains se sont évaporés, dissous. Mais déjà l'on s'enfonce dans les petits chemins. Nous avons laissé derrière nous la route battue, ces oratoires champêtres que le clergé salue au passage d'un cantique, et sa poussière et son aveuglante blancheur. Nous tournons le dos à la montagne, à la lumière. Le sol se creuse toujours plus profondément sous nos pas. C'est presque une voie sépulcrale, pavée d'ossements de granit. Des deux côtés, de hauts talus surplombent, et au-dessus s'entrelacent des frondaisons denses où se tordent, ainsi que les vieilles poutres, au plafond des manoirs, des souches bizarres qu'on dirait sculptées. Ici, le soleil ne pénètre plus. C'est à peine si un jour mystérieux filtre à travers les branches, pleut çà et là en larmes d'argent pâle. Les gens défilent en silence, hommes, femmes, glissent sans bruit, du pas furtif et pressé des apparitions dans les légendes. On se serait cru en purgatoire, murmure auprès de moi un paysan non sans un vif sentiment d'aise, quand la vertigineuse descente enfin terminée, nous nous retrouvons à ciel ouvert. Impossible de mieux rendre l'espèce de trouble superstitieux auquel chacun a été en proie durant cette partie du trajet. Désormais, tout redevient lumineux, vivant. On barbote gaiement dans l'eau des prés, on franchit les fondrières sur des jonchées d'iris, de roseaux, de genêts fauchés ce matin par les pâtres d'alentour. On traverse des cours de ferme où des filles se tiennent accoudées au puits, une écuelle à la main, pour offrir à boire aux pèlerins altérés. Nous entrons dans le terroir de Kerneve, à la limite de Kemeneven. L'ombre de Keben y rôde encore. Son lavoir est là, sous les saules. Là aussi, la pierre où elle avait coutume de s'agenouiller les jours de lessive. La trace de ses genoux y est restée marquée, et l'on prétend qu'à minuit, lorsqu'il fait clair de lune, on l'y peut voir, tordant son suaire entre ses doigts de squelette, et exprimant de la toile un mélange abominable de pu et de sang. Du moins, la malédiction qui pèse sur elle n'a-t-elle pas nui au lieu qu'elle habita. C'est en effet un des coins exquis de la région, avec des vergers opulents, une mer de blé, des avenues de hêtres superbes où la Troménie s'attarde à plaisir et rassemble ses forces avant d'entreprendre l'assaut de la montagne. De ce côté, le Ménez se dresse en apparence inexpugnable. Il a la raideur abrupte des collines où les anciens édifiaient leurs acropoles. Porteurs de croix et porteurs de bannières l'attaque de front, hardiment, au pas de charge. Ne vous imaginez point que ce soit par vaine ostentation de vigueur. S'il n'escaladait tout d'une haleine ce sentier de chèvre, il s'affaisserait exténué à mi-pente. Les tambours et les fifres les soutiennent de leur mieux, et la procession suit comme elle peut à la débandade, haletante, congestionnée. Qu'il fait bon respirer l'air de là-haut, s'éventer au souffle de l'Atlantique, et humer la grande fraîcheur qui se lève de l'Occident aux premières approches du soir. Le point du plateau où nous sommes parvenus a gardé le nom de Placaron. Keben dut avoir la main robuste pour faire voler jusqu'ici d'un coup de battoir la corne du bœuf de Ronan. Le chariot qui portait le cadavre du saint stationna, dit-on, quelques minutes en cet endroit, sans doute afin de laisser respirer l'attelage, mais aussi afin de permettre au thaumaturge d'embrasser une dernière fois du regard son horizon préféré. Il y a quelques 10 ans, on y a érigé sa statue en granit. Elle a un grand tort, celui de n'avoir point été sculptée par n'importe quel tailleur de pierre dans la manière si expressive des primitives imagiers bretons. Au socle est adossée une chaire d'où un prêtre va tout à l'heure haranguer la foule. Et ce sera vraiment le sermon sur la montagne. Au centre d'un paysage comparable pour la délicatesse, pour l'harmonieuse sobriété des lignes, aux sites les plus ravissants de la Galilée d'autrefois. En attendant, les pèlerins se restaurent sous les tentes installées là par des cabaretiers des bourgs voisins, ou s'allongent sur le gazon, brisés de fatigue, ivres de soleil, sans pour cela s'interrompre de prier. Le sermon fini, ils se reformeront en procession, descendront le versant opposé du Ménez par les sentiers de lande que j'ai parcourus ce matin et ne rejoindront guère l'Ocronan qu'aux premières étoiles. Je n'ai pu entendre le prédicateur, mais je n'ai pas de peine à me figurer les choses très simples et très émouvantes qu'il a dû trouver à dire en un tel lieu, devant un tel auditoire, à cette heure, en quelque sorte religieuse, du couchant, si propice à l'évocation des légendes, en un pays qui n'a jamais cessé d'y croire, si même elles ne sont à ses yeux l'unique réalité. Les bannières, les croix reposent, appuyées au revers des talus. La baie de Douarnenez s'étend muette, pâlie par le soir, striée de ces moires d'azur qui sont comme les veines de la mer. De fantastiques promontoires se haussent au-dessus des eaux et peu à peu se rapprochent ainsi que des murailles mobiles pour enclore l'horizon. Des chants lointains, des tintements de clochettes annoncent que les troménieurs se sont remis en marche et maintenant tout s'est tu, même le vent. Une paix immense plane dans la douceur grise du crépuscule. Les grèves, les plaines, les vallons s'effacent, noyés d'ombre. Seule la croupe de la montagne sainte se détache en clair sur un fond de nuages et demeure auréolée d'un nimbe de lumière mourante. Ici se termine la Troménie de Saint-Ronan.